Le même endroit à des moments différents. L'élément qui change entre les deux situations, c'est le feu qui me concerne. Dans la situation 1, le feu pour tourner à gauche est vert. Cela veut dire que les autres usagers sont arrêtés pour que je puisse passer sans rencontrer personne. Dans la situation 2, le feu est jaune clignotant au milieu. Cela veut dire qu'il ne fonctionne pas normalement, donc il ne règle pas les ordres de passage. Comme aucun panneau de priorité n'est associé au feu, je ne dois pas couper la route aux usagers qui arrivent en face et qui ont, eux aussi, un feu jaune clignotant au milieu. On applique alors la règle de la priorité à droite. Réponse B et C.